Mosaïque. Bonjour chères auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette émission Mosaïque. Au micro, vous êtes avec Pacifique Chubahiro. Après la dernière tentative de changement de la constitution du Burundi et un long débat sur le mandat présidentiel, une commission nommée pour proposer une nouvelle constitution a été mise sur pied. Le 24 octobre dernier, les ministres en conseil extraordinaire se sont penchés sur certains points qui feront objet d'amendements. Entre autres points, il y a le statut du chef de l'État et ses compétences, la création d'un nouveau poste de premier ministre à côté d'un seul vice-président de la République, la volonté des motive le gouvernement et de doter le pays une constitution conforme aux réalités du moment, dont l'entrée du Burundi dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Que vous inspire cette volonté de modification de la constitution? Comment l'amender sans heurter le dialogue politique en cours? Que faire pour que ce processus d'amendement s'achève à la satisfaction de la plupart des acteurs politiques au Burundi? Pour en parler dans Mosaïque d'aujourd'hui, je suis avec quatre invités au plateau. Le député Pierre-Célestin Dikoumana, élu dans la coalition Amizero Barundi. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. J'accueille également Jean de Dieu Moutabazi, président du parti Radebou. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Oui, bonjour Pacifique. Bonjour aussi, chers collègues avec qui nous sommes ici au plateau. Et j'en profite aussi pour saluer tous nos auditeurs. Nous avons également au plateau Faustin Dikoumana, représentant légal de Parole et Action pour le changement des mentalités, PARCEM. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Notre invité, c'est Jean-Marie Ndouimana, représentant de la plateforme de la société civile au Burundi, puisque Burundi. Bonjour également et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci pour l'invitation. À la technique, Séraphine Hakizimana. La réalisation de cette émission est assurée par Charles Makoto et Apollonie Dusabe, Pacifique Chubahiro à l'animation. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans l'émission Mosaïque. Jean de Dieu Moutabazi, en tant que politicien, vous dites de l'opposition non radicale, que vous inspire cette modification de la Constitution? Comme vous le savez, la constitution actuelle est une constitution qui a été votée par voie référendaire en 2005. Et cette constitution qui a été votée par voie référendaire en 2005 avait ses provenances, avait ses origines dans les accords d'Arusha qui avaient été signés par les partis qu'il avait négociés en 2000. Alors, cette constitution de 2005 prévoit en elle-même comment elle peut être modifiée. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2017, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers les élections de 2020. Alors, il s'avère, si vous analysez la société burundaise et politiquement et socialement, on voit très bien qu'aujourd'hui, il est opportun de changer, de revoir cette constitution, particulièrement dans les dispositions qui crée des problèmes. Ici, je voudrais parler de l'article 96 de la Constitution, un article qui a été très controversé. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2015 sur les mandats. Deuxièmement, c'est que le Burundi est entré dans plusieurs communautés, dont les AC, le CIRGL, etc. Donc, plusieurs raisons militent aujourd'hui pour une adaptation de la Constitution à la situation socio-politique du moment. Mais également, si le processus de révision de la Constitution que nous avons aujourd'hui est un processus qui est légal, parce que la Constitution actuelle prévoit comment elle peut être changée, c'est aussi un processus, je dirais, participatif, parce que vous vous souviendrez qu'après 2015, et deux centres de dialogue ont été mises en place. Il y avait un centre de dialogue interne, je dirais national, autour de la CNDI, qui a conduit le dialogue inter-burundais dans pratiquement toutes les communes, toutes les provinces et au niveau national. Et autour de la CNDI, les hommes politiques ont eu à échanger, à être écoutés, tous les partis politiques. Il y avait aussi la rencontre avec tous les hommes d'église, que ce soit les églises protestantes ou catholiques ou même les musulmans. Il y avait aussi la rencontre, la CNDA avait rencontré à plusieurs reprises aussi les gens de la société civile. et d'autres citoyens, je dirais, burundais. Mais il y a quand même une classe politique qui n'est pas au pays. Est-ce que cette classe a été consultée Je vais arriver. L'autre centre de dialogue, c'était autour de la facilitation sous-régionale, notamment autour de Benjamin Mkapa et même Moussa Veni. On avait eu, après 2015, nous avons eu à dialoguer à plusieurs reprises à Entebbe et à Arusha, même si nous n'avons pas, je dirais, à poser sur un texte consensuel. Les questions qui ont été débattues, il était difficile d'avoir un consensus de plus de 40 formations politiques, mais il y avait des choses sur lesquelles on pouvait plus ou moins s'entendre. Vous écoutez, tous les ingrédients sont mis en place pour que cette modification puisse avoir lieu. Je peux dire que c'est opportun parce que quand une constitution va être revue, il ne faut pas attendre la veille des élections, sinon on risque de soupçonner que la révision veut tailler sur mesure, veut venir pour les intérêts des individus ou bien d'un parti politique. Il faut le faire tôt, organiser le dialogue qu'il faut, envie d'écouter le maximum de personnes. Donc, pour moi, il est opportun de revoir la constitution pour l'adapter à la situation sociopolitique du moment. Je vous remercie. Je me retourne du côté du député Pierre-Célestin Ndikoumana. Au niveau de l'Assemblée, est-ce que vous attendiez, comme d'autres projets de loi, que le projet sur l'amendement de la constitution puisse venir sur la table au niveau de l'Assemblée pour que vous en discutiez? Est-ce que les points sur lesquels portera la modification ont été déjà effleurés au niveau de l'Assemblée nationale? Non, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de débat. Nous avons été informés, nous sommes en train d'être informés par les radios qu'il y a la vitesse, qu'on passe à la vitesse supérieure quant au changement de la Constitution. Sinon, comme vous le dites, ça serait mieux si on avait au moins, comme les représentants du peuple, si on avait discuté sur la question, si on avait discuté sur probablement les articles à modifier, etc., etc. Mais si vous le permettez, moi, je me pose une question d'abord. Est-ce que le changement de la Constitution est opportun? À tout à l'heure, Moutabazi vient de dire qu'on veut le faire tôt pour justement que les gens ne disent pas qu'il a été taillé sur mesure. Mais cela, le faire tôt n'exclut pas que la dite révision ne soit pas taillée sur mesure à ce que nous sommes en train d'entendre dans ces derniers jours, dans les médias, sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qui a été changé. C'est une constitution, justement, qui est taillée sur mesure. Mais c'est Moutabazi qui évoque qu'une grande majorité s'est exprimée par rapport à cette modification, mais également favorable, si je ne me trompe pas. Quand vous dites une grande masse, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire le dialogue inter-burundais organisé par le CNDI? Bon, je crois que nous nous sommes exprimés là-dessus, mais jusqu'ici, on n'a même pas le rapport de ce dialogue inter-burundais. Alors, je me permets de ne pas faire référence à quelque chose qui a été fait, mais qui n'est pas achevé. Parce que si une activité s'achève, c'est ce qui montre que l'activité est achevée, c'est bien sûr le rapport final. Alors, j'étais justement en train de me poser la question de savoir si vraiment c'est opportun que la Constitution soit aujourd'hui changée. Est-ce une priorité? Parce qu'un homme politique qui a une vision d'un peuple, justement, il opère des changements pour le bien du peuple, pour l'intérêt supérieur de la nation, pour l'intérêt du peuple. Est-ce que pour le cas d'espèce, et même s'il faut en croire à ce qui a été exprimé par la population à travers le dialogue inter-burundais, la population qui s'est aussi exprimée sur certains problèmes clés, comme la pauvreté, comme le chômage, ça fait 2 ans que nous avons un budget d'austérité, qu'on ne recrute pas, etc. Il n'y a plus d'emploi public, il y a le chômage, etc. Donc, la population s'est exprimée aussi sur ça. Alors, on peut se demander pourquoi on s'acharne sur quelques articles de la Constitution plutôt que penser à ces problèmes cruciaux à ces difficultés qu'endure la population actuellement. Mais en résumé, qu'est-ce que vous suspectez à travers cette volonté de modification de la Constitution? Ce qu'on suspecte, c'est l'exclusion qui est même actuellement visible, qui est remarquable à travers certaines lois qui sont taillées sur mesure. Je vous donnerai un exemple de la loi où on dit, par exemple, que les coalitions des indépendants, leurs activités s'achèvent avec les élections, etc., qu'après c'est fini, alors que nous sommes là, que nous sommes dans les institutions. Moi, comme membre de la coalition Misère Barundi. Deuxième chose, mais si il y a exclusion. Si on améliore cet aspect au niveau de la Constitution, ça vous enchanterait. Non. La Constitution qui est projetée, qui est pensée probablement par des gens qui certainement ont une certaine peur ou une certaine psychose de peur électorale, la Constitution en cours de révision exclut les indépendants. On dit par exemple, on ne peut pas accepter des coalitions des indépendants. Alors si on accepte la coalition des partis politiques, qu'est-ce qui empêcherait que les indépendants puissent aussi se mettre ensemble pour faire la politique ensemble, pour faire la course électorale ensemble? Et ça c'est un. De deux, on dit, bon, voilà, les indépendants doivent proclamer qu'ils sont indépendants dès avant les élections. Sur quelle référence on dit ça? Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on a ajoutées justement dans cette constitution pour exclure une catégorie de personnes, ce qui est contraire à la révision de la constitution, parce que la constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Voyez l'article 299. L'article 299 stipule que on ne peut pas penser à l'amendement de la Constitution si cela pourrait, disons, enfreindre ou pourrait être une menace à l'unité nationale, à la démocratie, à la réconciliation. Alors, imaginez-vous si on est en train d'exclure une catégorie de gens. Bon, les gens pensent que l'exclusion, c'est typiquement ethnique, etc., etc., mais une exclusion politique existe. Et c'est ce que nous sommes en train d'endurer. Et imaginez-vous, dans ce contexte où on exclut une catégorie de personnes, une catégorie de politiciens, est-ce que vraiment ça répond à la démocratie, au principe de la démocratie? S'il y en a qui crient « Non, il ne faut pas changer la Constitution parce que la Constitution a été conçue dans l'esprit de l'accord d'Arusha », il y a des mesures qui sont en train d'être menacées par justement ces modifications de la Constitution, certaines révisions de la Constitution. Si au même au niveau régional, international, on dit bon, c'est pas le moment de changer la Constitution, il y a des craintes d'entraver l'unité nationale, etc., et que les gens foncent, vous comprenez quand même que on est en train de foncer en violation de cet article 299. Juste une dernière question avant de passer la parole à Maître Jean-Marie. Est-ce que c'est en soi la modification de la Constitution qui vous inquiète ou c'est la procédure de le faire qui est plus gênante? C'est la procédure, c'est le contenu qui sont gênants parce qu'on est déjà informé sur certaines clauses de changement qui ont été opérées. Et donc, la procédure et le processus, et le mais contenu. Aussi le contenu qui nous inquiète parce qu'on sent déjà l'odeur de l'exclusion d'une catégorie de politiciens. On sent aussi l'odeur de la consécration d'un système, d'un parti-État. Quand on dit qu'il y aura un premier ministre qui doit nécessairement être ressortissant du parti au pouvoir, et il y aura un président, bien évidemment. Et son vice-président. Qui sera du parti au pouvoir, bien sûr, le vainqueur. Et un vice-président qui est là, j'allais dire figurant, mais je m'épargne du terme pour dire un observateur net, parce que c'est le premier ministre qui sera responsable devant le Parlement. Si celui qui sera responsable devant le Parlement, si celui qui organise le gouvernement, si celui qui veille aux activités quotidiennes du gouvernement, donc tout est centré sur lui. On peut se poser la question de savoir alors quel sera le rôle, le rôle de son vice-président. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons en détail. Voyons du côté d'Opisque Burundi, Maître Jean-Marie Nduimana, comment vous avez accueilli cette volonté du gouvernement de modifier la constitution aujourd'hui? Au CEG Opisque Burundi, nous disons que c'est le moment opportun d'amender la constitution burundaise. Et d'abord, compte tenu de la situation que nous avons vécue depuis 2015, pendant les élections, aussi avec la situation actuelle. La première chose, vous avez vu que vous avez entendu qu'il y a des articles qui sont ambigus et qui ont semé des confusions au sein de l'opposition burundaise et qui ont quand même semé des polémiques en ce qui concerne le mandat présidentiel. Aussi, pour le moment, nous sommes dans une communauté est-africaine, là où il faut qu'il y ait une référence des lois avec d'autres pays membres. Mais tout cela doit se faire dans la limite de la loi. Pourquoi? Parce que d'après l'article 297 plutôt de la même constitution, prévoit que l'initiative de la constitution appartient concurremment au président de la République après avoir consulté son gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Mais cela doit se faire dans le respect strict de l'unité nationale et de la cohésion sociale. C'est le député Célestin qui s'inquiète du contexte, mais aussi du contenu. Oui, oui, je suis là. Et d'après les propos de l'honorable, c'est très dommage car la dite commission chargée d'amender la constitution actuelle est constituée par des personnes différentes, venant des partis politiques différents, aussi des indépendants politiques, sans oublier les membres de la société civile. Or, d'après cela, nous avons observé des recommandations données par la majorité des participants dans les dialogues déjantés par la CNDI dans l'objectif de trouver une solution acceptable pour tous et pour éviter des conflits qu'on observe juste avant, pendant et après les élections. D'après tout cela, comme l'honorable vient de le dire, nous avons une constitution actuelle, mais qui trouve une source dans les accords d'Arusha. Or, l'accord d'Arusha a été signé avec des réserves. Aussi, lors de la mandat... Donc, on veut épuiser les réserves sont contenues dans l'accord d'Arusha. Exactement. Mm-hmm. Je suis au cours de la route. Aussi, la constitution actuelle, vous avez entendu et vous avez vu que lors de l'amendement de la constitution, les hippolonistes ont invité les militants de voter non à la constitution. Alors moi, je ne peux pas comprendre comment il y a des gens qui acceptent une chose et son contraire. Mais à chaque vote, c'est nécessairement qu'il y ait des gens qui sont pour et ceux qui sont contre. Oui, mais ces gens-là, c'est eux les premiers qui disent qu'il ne faut pas toucher l'accord d'Arusha et la constitution actuelle. On sait accepter une chose et son contraire. Une chose et pas tout ça. Donc, si l'honorable dit que ce n'est pas le moment ou pas, moi je peux lui poser une petite question. Lors du référendum de la dite constitution actuelle, en 2005, le mouvement FNL, par exemple FNL, n'avait pas encore mis son accord dans le processus de Zélofé. Mais, d'après tout ce que nous avons entendu, l'honorable et l'honorable Gwasa recommande chaque fois le respect de la constitution actuelle. Pour dire qu'il y a une classe politique qui est exclue, c'est du mensonge, car nous savons bien et bien qu'il y a, et bien sûr, des politiciens qui sont à l'étranger pour des raisons juridiques. Aussi, il y a des putschistes. Et ceux-là n'ont pas à s'exprimer par rapport à la prochaine modification de la constitution. C'est ce que vous voulez dire. Est-ce que pour faire avancer le processus de la constitution, il faut inviter les putschistes et déjà poursuivre par la justice burundaise. C'est pas tout à fait fondé sur le plan politique et juridique. Donc ceux qui sont habilités à contribuer l'ont déjà fait. Oui, oui, que ce soit les membres, les partisans des partis, que ce soit les partisans de la société civile, que ce soit les partisans de la coalition. Moi, j'ai observé un monde qui s'exprime. Or, pour le moment, c'est la volonté du peuple qui prime sur le tout. Mais, bien sûr, dans les limites de la loi, d'après la constitution actuelle, puisqu'elle le prévoit. Je vous remercie. Je me retourne du côté de Faustin Dikoumana, représentant les gardes de Parsem. Au niveau de votre organisation, comment vous trouvez cette volonté de modifier la constitution? Il y a des craintes ici et là. Il y a ceux qui disent que tout est blanc. Quel est votre commentaire? D'abord, à notre niveau, il faut d'abord rappeler l'importance d'une constitution dans la vie d'un pays. Parce que nous jugeons qu'une constitution, c'est une loi fondamentale. C'est finalement la loi qui organise les institutions et la vie d'un pays. Deux, il faut se rappeler de la spécificité de la constitution burundaise qui émane d'un accord qui a cimenté la réconciliation nationale dans son pays. L'accord d'Arusha, vous savez, après une longue période de péripéties et de crise politique, a été comme une solution, sinon une panacée, au problème de la crise burundaise. Au niveau de puisque on dit que j'avance. Si, ici, quelque part, il parlait des gens qui avaient émis des réserves. Mmh. Et mettre des réserves en 2000, même si on émettait des réserves en 2000, si au niveau de la mise en application, les gens ont constaté qu'il y a une avance, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle encore des réserves? La réflexion politique n'est pas figée. Elle évolue selon les circonstances. Il faut pas dire que quelqu'un qui a émis les réserves en 2000 est toujours dans la même position. En 2017. Il a expérimenté la mise en place de l'accord. Il a vu le fruit. Je dis jusqu'aujourd'hui, tu as entendu un seul politicien qui dit « J'ai encore des réserves sur l'accord d'Arusha ». Non. Donc, dans ce cas-là, si aujourd'hui ce n'est pas les réserves qui sont mises à l'honneur, c'est du passé. Alors, la modification de la Constitution. Il y a un article 299 qui invite la prudence à faire preuve de prudence à l'initiateur de la modification de la Constitution, parce qu'on dit que tout article, toute initiative de modification de la Constitution qui viendrait faire reculer la démocratie, la cohésion nationale, l'unité nationale, la bonne gouvernance, tout ça, ne sera pas recevable. Dans ce cas, alors... Aujourd'hui, l'article n'est pas respecté. Je dis, dans ce cas, qu'est-ce qui devait être fait à notre niveau? Le président de la République a la latitude de proposer, comme c'est dit dans l'article 299, de proposer des modifications à la Constitution. De la Constitution. C'est tout à fait normal. Alors, ce que nous disons, c'est qu'il appartient alors aujourd'hui, comme le pays était dans une crise politique, il y a cette même constitution, c'était l'occasion aujourd'hui d'arrondir les angles, de rapprocher les positions des uns des autres, pour voir si toutes ces modifications viennent finalement pour cimenter cette démocratie, viennent pour renforcer la démocratie, la cohésion nationale, et que ce soit une aubaine finalement de repartir sur une nouvelle donne, parce que les gens auront quand même fait un consensus par rapport à cette modification. C'est pour cela qu'au stade actuel, nous jugeons que les propositions de la Commission devraient permettre un débat autour du dialogue qui était tant attendu. Sinon, le dialogue intérieur de la Commission nationale du dialogue intérieur, le dialogue a été organisé sous forme d'expression de doléances de la population. D'abord, plusieurs doléances ont été exprimées. Il y a la pauvreté, le chômage, le problème de justice, des droits de l'homme, de la gouvernance, de la corruption. Et aussi, on a parlé de cette constitution. On disait qu'il y a une opinion qui voulait la modification de la constitution et une autre non négligeable qui ne voulait pas cette modification. Donc aussi, il y a une proposition aujourd'hui, alors que même ce rapport de la CNDI n'a jamais sorti pour voir réellement le contenu d'un rapport, parce que si on organise un dialogue, le plus important, c'est qu'un rapport sorte pour analyser scientifiquement les propositions qui ont été faites dans son rapport. Ça, c'est au niveau du processus. Que dire du contenu, surtout? Aujourd'hui, le contenu, j'ai entendu quelques propositions d'articles, mais j'ai même entendu qu'il y avait des articles qui vraiment exigeaient un débat en profondeur. Contradictoire surtout. Un débat en profondeur, contradictoire. Quand vous dites le Premier ministre sera responsable devant le Parlement, on se dit est-ce que le président de la République sera élu au suffrage universel? Le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement, il sera nommé? Est-ce que le président de la République, c'est lui qui va présider les conseils des ministres? Est-ce que... Donc il y a tout un tas de problèmes qu'il faut finalement régler. Est-ce que ne serait-il pas peut-être plus de faire des vice-premiers ministres, par exemple, au lieu des vice-présidents qui ne participent pas dans le mécanisme des structures de gouvernement. Parce que ce qui est important, c'est cette structure de gouvernement, c'est le fonctionnement de cette structure gouvernementale. Alors, il y a beaucoup de choses à clarifier qui exigent les propositions, les contributions des uns des autres, voire même des spécialistes. Où il y a des classes politiques, il y a la société civile, les chercheurs. Il y a beaucoup de gens qui peuvent émettre des réflexions beaucoup plus d'avantages, qui permettraient même au gouvernement à décider ou à orienter les choses à partir des débats qui a qui a des débats qui ont permis vraiment la profondeur des réflexions. Sinon, allez, elle va vite et aujourd'hui, on continue. On peut ne pas avoir épuisé toutes les questions. Alors que si l'occasion de modification est là, il y a beaucoup d'autres orientations ou d'autres recommandations du passé qui devaient contenir dans la Constitution. On a fait par exemple les états généraux, on a organisé les états généraux de la justice. En 2014, il y a beaucoup de recommandations qui déjà la modification de la Constitution. Est-ce qu'on a épuisé vraiment tout ça? Il y a la loi anticorruption qu'on voudrait réviser. Il y avait des clauses de la Constitution qui limitaient cette révision de la loi anticorruption. Il y a beaucoup de choses si on veut renforcer cette bonne gouvernance. Si vraiment l'occasion était là, organiser un débat qui puisse nous donner des réflexions profondes et avoir une occasion de retrouver la cohésion et cheminer vers l'organisation de ces élections dans l'ensemble avec une cohésion vraiment évidente. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait courir le gouvernement vers la modification de la Constitution? Ah, là, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète. Ce que je dois dire, ça m'inquiète. Pourquoi aller vite alors que l'occasion de débattre était encore là? Il y a le temps de débattre est encore là. Je ne vois pas vraiment pourquoi cette vitesse. Il faut se retenir parce que j'ai dit que la Constitution, vraiment, c'est une loi très spéciale, surtout au Burundi, Kerman, dans un accord qui a cimenté la réconciliation. Il y a plusieurs dispositions de l'accord d'Arusha qui sont dans la Constitution et qui sont à la base justement de la protection des intérêts des uns et des autres, qui sont à la base de la cohésion nationale, même au niveau de du renforcement de la démocratie. Il faut alors cette prudence. Jean de Dieu Moutabazi, certains qui ne sont pas d'accord avec la modification de la Constitution évoquent la volonté du gouvernement ou du parti au pouvoir de solidifier la mainmise sur l'État. Et c'est votre analyse. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette façon de voir? Nous avons un autre regard par rapport à ce que certains hommes ou femmes disent, il y en a qui disent qu'il y a de la précipitation, ce n'est pas notre avis. Il y en a qui disent qu'il y a tendance, d'avoir une mainmise sur l'appareil de l'État, etc. Ce n'est pas notre avis. Pourquoi ? Premièrement, quand je disais que le processus de révision de notre constitution, de la constitution actuelle, ici d'Arusha, le processus suit une démarche légale, nous l'avons expliqué, et même une démarche participative. À l'endroit de mon collègue de la Misero. Qui pense surtout que vous, le parti au pouvoir, le gouvernement, veut écarter certains leaders politiques qui surtout évoluent en tant qu'indépendants. Je vais y arriver. Mm-hmm. Premièrement, nous étions à Gitega même. L'opposition qui est radicale, qui parfois est violente, on était là, on est parvenu à un document, nous l'avons signé et même nous l'avons transmis à la médiation via l'équipe qui était venue, l'équipe de la médiation autour d'Om Kappa qui était venue ici. Il y a un document qu'on avait signé, c'est-à-dire. Mais document quand même qui a apporté quelques polémiques. Non, il n'y a pas eu, puisqu'ils n'étaient pas forcés de signer ceux qui représentaient la misère. Ils ont signé volontairement, il y avait même d'autres personnes. Non, ils ont signé la révision de la Constitution qui exclut les indépendants, qui exclut une partie. Alors, deuxièmement, pour ce qui est du maintien de la cohésion, je disais tout à l'heure, on parlait en langue nationale, je disais, est-ce que dans cette nouvelle constitution, dans le projet de la nouvelle constitution, est-ce qu'il y a-t-il des tendances d'exclusion des Bahutus ou des Batutsu ou des Batwa? Ils ont dit non. On a évoqué que l'unité nationale, ça ne concerne pas seulement l'ethnie. Attendez, alors je leur ai posé la question. Est-ce qu'il n'y aura pas, il n'y a pas sauvegarde de la démocratie, puisque à tous les échelons, les gens qui doivent diriger la commune ou bien l'assemblée ou même jusqu'au chef de l'État, tous ces postes-là, pour les obtenir, ça doit passer par la voie électorale. Donc, dans la révision de cette constitution, il y a le renforcement plutôt de la démocratie et de la cohésion nationale. Enfin, je les ai rappelés un peu dans l'histoire. Depuis 1966, avec le capitaine Micombero. Mm-hmm. Il y a déjà eu au Burundi plus de 6 coups d'État. En 66, en 76, en 87, en 93, et même en 93, en 96, et même dernièrement, en 2015, c'était au mois de mai, le 13, il y a eu tentative de coup d'État. Mm-hmm. Donc, on remarque qu'il y a des Burundais qui ont toujours tendance à vouloir prendre le pouvoir par la force, qui ne veulent pas la démocratie. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire non seulement de stabiliser le pays, mais également de stabiliser le poste de chef de l'État. C'est très important. Alors, c'est pourquoi... La stabilisation, c'est le maintenir au pouvoir ou... Non, c'est pas un exercice. Je dis le poste. Mm-hmm. Oui, parce que quand je vous... Qu'est-ce que ça signifie ? Stabiliser. Parce que quand tu vois comment les coups d'État... Le nombre de coups d'État qui a déjà eu lieu. Mmh. Il faut stabiliser le poste de chef de l'État pour que les gens ne pensent plus accéder au pouvoir par les coups d'État. Alors, c'est ainsi que... Concrètement, qu'est-ce que nous aurons après l'adoption de cette constitution ? Je disais à mon ami Parsem, je lui ai dit, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le chef de l'État, il est en même temps le chef du gouvernement. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les parlementaires sont mal à l'aise pour faire une motion de censure à l'endroit du chef de gouvernement parce qu'il est en même temps chef de l'État. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui dire au chef du gouvernement, qui est le chef de l'État, qu'ils sont en train de mal appliquer le programme, par exemple, de lutte contre la pauvreté, le programme de développement. C'est ainsi que, alors, ça se justifie que le chef de l'État doit être différent du chef du gouvernement. Alors, tant qu'on parle de coup d'État, si vous permettez, il est également chef de l'armée. Et quel autre pouvoir qu'il pourra avoir pour éviter un coup d'État cas d'exercice ? Non, je vais y arriver. Mmh. Alors, aujourd'hui, si le Premier ministre, s'il n'est pas satisfaisant à l'endroit, par exemple, du Parlement, ils vont dire non. Ils vont faire la motion de censure et ce Premier ministre, il pourra dégager et partir et le chef de l'État pourra nommer un autre. Alors, tous les mécanismes aujourd'hui, tous les mécanismes qui peuvent permettre... Quelle est la différence avec le système actuel ? Parce que le président a c'était aussi l'attitude de proposer à l'Assemblée nationale et au Sénat démettre un vice-président en cas d'incompétence. Non, le vice-président n'est pas chef du gouvernement. Mmh. Non, il ne faut pas faire de l'amalgame ou mélanger les choses. Le vice-président, le premier vice-président ou le deuxième vice-président, ils ne sont pas chefs du gouvernement. Il y en a qui coordonnent un certain nombre de ministères, mais le chef du gouvernement, c'est en même temps le chef de l'État. Si vous ne pouvez pas alors saisir cela, je regrette. Il faut qu'on vous explique. Davantage que cette procédure de séparer ces deux postes vienne dans le sens de stabilité, de stabiliser un pays et même de stabiliser le poste de chef du gouvernement. Et enfin, on était en train de voir si l'accord d'Arusha est respecté. Dans la constitution actuelle, nous avons 307 articles, 77 vont être, je dirais, retouchés, 9 seront nouveaux et 3 vont disparaître. Ça veut dire que plus de 230 articles, dont l'origine est l'accord d'Arusha, vont rester dans la constitution. Alors moi, je me dis que l'accord d'Arusha sera toujours respecté. Le cœur de l'accord d'Arusha est respecté. C'est pourquoi je me dis que les gens qui soupçonnent ou qui ont, je dirais, une crainte qui n'est pas justifiée, quand j'étais en train d'écouter l'honorable Pierre parler, j'ai senti une certaine crainte, mais pour moi, je ne l'ai pas trouvé fondé. Je vous remercie. Une petite réaction du côté de Parsem, mais je passe la parole à l'honorable Célestin. Bon, je voulais dire à Moutabaze, même aujourd'hui, le Parlement avait la latitude de voter une motion de défiance contre un ministre. Combien de ministres ont déjà été obligés de quitter leur place suite à une motion de censure du Parlement? Ils avaient la latitude de le faire. Donc, pour dire que ces histoires, de dire qu'ils auront la latitude de mettre en premier ministre, même aujourd'hui, un ministre, c'est très difficile même de le faire, je ne crois pas. Et encore une fois, si on se souvient de ce qui se passe en France, je vous dis que maintenant vous êtes en train plutôt de déstabiliser les élections présidentielles. En France, comment? Justement, en France, par exemple, le président de la République est élu au suffrage universel, mais il est obligé de nommer le premier ministre dans le parti qui a gagné. Il est législatif. Il se peut que le président puisse gagner les élections présidentielles et législatives soient gagnées par un autre parti politique. Vous vous souvenez, vous savez l'instabilité des fois qui caractérise l'administration française pendant la période de cohabitation. Je dois te dire que soyez prudent parce que même la cohabitation, quand c'est Chirac ou Mitterrand, ça peut causer des problèmes. Je ne suis pas encore entré en profondeur pour connaître le pouvoir peut-être du président et de son premier ministre. On le saura si on voit la véritable proposition. Donc, patientons. Je vous remercie, honorable Pierre Célestin. Vous avez quelques réactions, mais surtout, qu'est-ce qui pourrait être derrière cette volonté de changer vite la Constitution? Je ne comprends pas pourquoi on fait cette course. Mais d'un autre côté, je comprends parce qu'on voit la motivation derrière cette course. Parce que ce n'est pas vraiment la question principale, ce n'est pas la question centrale, ce n'est pas la question qui hante la société burundaise. Même si on demandait à ceux qui sont ici sur le plateau en quoi la constitution actuelle freine l'épanouissement de son peuple, je crois qu'ils auraient du mal à répondre. Mais plutôt, il y a un problème de ne pas respecter la dite constitution, parce que la dite constitution garantit à tout le monde les libertés politiques, les libertés de mouvement, etc., etc. Mais aujourd'hui, un député peut être battu par un administrateur d'une commune et on fait sourd oreille comme si rien n'était. Donc, le problème, il faut centrer le problème là où il doit être. C'est le problème de la constitution. Mais bien évidemment, parce que la constitution n'est pas respectée. Et on veut changer la constitution qui n'était même pas respecté dans corriger ça. C'est un problème. La divergence qu'on observe ici même sur ce plateau, la divergence de considération sur ce fameux processus de révision de la Constitution devrait d'ailleurs être un facteur qui inviterait les fanatiques de la résolution de la révision de cette Constitution à rectifier le tir et regarder et promouvoir le dialogue. Afin, bien sûr, de s'entendre sur des points sensibles, sur des points peut-être qui nécessiteraient une modification, comme par exemple les années budgétaires harmonisées avec la communauté East African Community, donc la communauté est-africaine. Mais si ça ne causerait pas. Il y a Mutabazi qui a dit qu'on a considéré. Ça ne causerait pas des problèmes. Une bonne partie de la classe burundaise, mais aussi il y a Jean-Marie qui a dit que seuls les putschistes n'ont jamais été invités, ils ne seront jamais. Non, le problème c'est qu'on mélange les choses. On parle des coups d'État, on parle des quoi, mais ici nous sommes en train de parler de la révision de la Constitution. Quelles sont les motivations derrière ça? Quels sont les enjeux derrière ça? Et quand on parlait d'exclusion ethnique, etc., l'exclusion n'est pas toujours ethnique, elle est peut-être politique. Et c'est ce que nous sommes en train d'en dire aujourd'hui. Et je suis désolé aussi, la dimension aussi ethnique n'est pas absente du tout. Mais quand on parlait, par exemple, dans ces propos de Mutabazi, quand on parlait de stabilité, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Mais est-ce que la révision de la Constitution, c'est ça qui va amener la stabilité? Mais par contre, la stabilité... de la stabilité du poste de chef de l'État. C'est pas la stabilité d'un poste, c'est plutôt chercher la stabilité des institutions. Il faut distinguer les choses. La stabilité d'un poste et la stabilité des institutions, d'une institution, de la présidence de la République, c'est pas la même chose. Donc nous prenons la promotion, la stabilité des institutions. Et tout processus de révision de la Constitution, non seulement de la Constitution, s'il faut réviser une loi, modifier une loi, ce qui doit être mis en avant, au centre, c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'intérêt de la société. Ce n'est pas l'intérêt de personne, ce n'est pas des intérêts individualistes. Mais au regard de ce qu'on observe actuellement, au regard de ce qu'on est en train de faire, de cette course vers la révision de la Constitution, on voit des dents de l'exclusion. Et là, je m'explique. S'il y a coalition des partis politiques, par exemple, pourquoi est-ce qu'on empêcherait les indépendants de faire de même et de participer aux élections? Mais dans la nouvelle Constitution, on cherche à tout prix à bannir, à barrer la route aux indépendants, On voit ça. Mais si vous le détectez, c'est clair. Si vous pouvez le détecter, pourtant, vous pouvez arrêter ce projet d'amendement de la Constitution au niveau de l'Assemblée. Bon, est-ce que vous pensez que ça va passer par là? Moutabazi a déjà dit qu'on fera le référendum. Je ne sais pas si on a décidé ça. Je ne sais pas quand on a décidé ça. Moi, je suis représentant du peuple, mais je ne suis pas tellement informé sur ça. Donc, tout ça, ça montre un système, le processus qui ne prend pas son cours normal. Parce qu'on devrait avoir discuté ça au niveau du Parlement. Et on devrait avoir donné des avis et considérations comme nous sommes représentants du peuple. Et n'oublie pas que le Burundi a ratifié le pacte international des droits civils et politiques qui garantit à tout citoyen le droit d'élire et de se faire élire. Et la Constitution, notre Constitution elle-même, reconnaît ça. Donc, on doit se faire élire sans distinction aucune. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi on s'acharne à mettre des barrières devant les indépendants. Pourquoi ces barrières à l'endroit des indépendants? C'est déjà une exclusion qui est visible, qui est réelle, qui est là. Et on fonce comme si rien n'était dans cette divergence d'idées. Alors que l'article que je vous ai signalé, l'article 299, essaie de mettre des balises par rapport au processus de la révision de la Constitution, qui doit tenir compte de l'unité, qui doit tenir compte de la réconciliation, qui doit tenir compte de la démocratie. Et la démocratie ne doit pas nécessairement exclure les uns au profit des autres. Tout simplement, je vous dis qu'on est en train de consacrer, comme je l'ai dit, je le répète, on est en train de consacrer le système de parti-État. Tout à l'heure, vous étiez en train de discuter par rapport aux fonctions des uns et des autres entre le vice-président et le premier ministre. Qu'est-ce que vous croyez? Si on dit que le premier ministre est responsable devant le Parlement, que c'est lui qui organise le gouvernement, c'est lui qui veille aux activités quotidiennes du gouvernement. Mais tout est centré sur lui. Alors, en définitive, on peut se poser la question de savoir quel sera le rôle du vice-président. Comme je l'ai dit au départ, vous allez trouver que c'est quelqu'un qui est un observateur neutre, qui est là, qui n'a pas une force réelle, ni de force, ni d'influence. Donc, tout ça, ça chemine justement vers la radicalisation, la consécration d'un système, d'un parti-État, où le parti et l'État sont pareils. Et c'est ce que malheureusement nous sommes en train d'observer et on chemine vers là et je ne pense pas que ça va être bénéfique pour la société burundaise. Et là encore moins la stabilité dont il parle, parce que la stabilité c'est plutôt le fait de savoir comment se succéder au pouvoir, comment renforcer la stabilité des institutions et non pas la stabilité des personnes. Voilà. Partageons le débat. Monsieur Maître Jean-Marie, est-ce que vous ne trouvez pas que ces inquiétudes évoquées par les uns et les autres sont fondées pour ralentir ce processus de modification de la Constitution? Oui, merci beaucoup de m'accorder encore une fois la parole. Je vais m'exprimer sur des choses très importantes, une grande vitesse aussi d'appeler l'honorable. Il dit que ce n'est pas le moment opportun. Moi, je vais partir d'un exemple typique. Car le président Boyoya voulait initier le processus d'unité nationale. À l'époque, les leaders Hutus politiciens étaient à l'étranger. Est-ce qu'il a invité tout le monde de venir ici pour que le processus d'unité nationale soit en marche? Donc, une chose très importante que je vais souligner ici. La proposition de la Constitution... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux que... Oui, je vais y arriver. La Constitution à laquelle vous faites référence. Je vais y arriver. Dire que ce n'est pas le moment opporté, je dirais que ce sont des allégations simples. Pourquoi? La dite commission chargée d'amender la Constitution est crédible car est composée par des différentes parties prenantes. Notamment, il y a un individu de la misère. On n'a pas discuté sur la crédibilité de la commission, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. À partir de cela, moi, je suis d'accord que la proposition de l'amendement devrait permettre un dialogue entre les Burundais. Car continuer à donner un avis sur cela, c'est ça qui peut constituer une société. C'est qui peut guider une société. Mais si l'honorable dit que d'appeler la vitesse que nous observons, il y a un enjeu qui est derrière. Moi je dis non. Moi je ne partage pas le même avis. Car tout évolue dans l'espace aussi. d'appeler la dite constitution, il y a quoi? Il y a un chemin qui nous montre comment la constitution, comment on peut amender la constitution. Mais à votre avis, qu'est-ce qui vous fait passer à ces inquiétudes? Qu'est-ce qui serait derrière ces inquiétudes? Non, je vais m'exprimer en disant que ce sont des allégations simples, là où dessus je ne peux pas m'exprimer. Mm-hmm. Car avec la constitution burundaise, on voit une voie, on voit comment on peut procéder à amender une constitution. Donc le processus est en marche, est en cours. Donc, moi, je privilégie tout simplement le dialogue entre la société burundaise de continuer à donner un avis ou tel avis. Oui. Qu'est-ce qui ferait que ce processus s'achève après qu'une grande partie de la population, des acteurs politiques, se sente que la constitution, finalement, elle vient pour corriger certaines erreurs afin que le Burundi garde cette unité, cette stabilité? Oui, moi, dès le départ, je vous ai dit que l'amendement de la constitution doit se faire dans le respect strict de la loi. Et c'est ce qui est notamment fait, c'est ce qui est en train de... Oui, notamment l'article 297, 298, 299. Le respect de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Tout ce que l'honorable vient de dire en disant qu'il y a une classe politique qui n'est pas partie. Là, voilà où se trouve le problème. Mais pour moi, je ne suis pas d'accord. Car toute personne a été écoutée, toute personne a participé. Mm-hmm. Alors moi, je ne vois pas où se trouve le problème. Alors, ok, la volonté du peuple prime sur le tout. Donc, le processus de modification de la Constitution prenne son cours normal et qu'il s'achève à la modification de la Constitution. Oui, oui. Je vous remercie. Faustin Dikoumana, nous sommes à la fin de, vers la fin de notre émission. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour que cette modification de la Constitution puisse être porteuse d'unité, de stabilité du pays? Il y a une phrase très célèbre qui a été prononcée par l'ancien président américain Barack Obama, que je respecte, quand il a dit que l'Afrique a grandement besoin des institutions fortes et non pas d'hommes forts. Il faut progressivement aller jusqu'à ce que l'Afrique ait des institutions fortes et stables. Ça veut dire que les institutions fortes, ce sont des textes qui donnent des institutions qui permettent aux gens les plus performantes de se succéder à la tête des institutions sans toutefois confondre l'institution et l'individu. Ça vraiment c'est une avancée que le Burundi doit vraiment intérioriser, faire toute stratégie nécessaire pour y arriver. Alors l'accord d'Arusha, la conscience qu'on avait consacré plus ou moins tous ces et cette avancée de vouloir construire des institutions fortes. Aujourd'hui, alors, on veut modifier la Constitution. D'accord, il faut voir si la motivation est de nature, justement, à renforcer cela. Si c'est comme ça, c'est bon. Si ce sont de bonnes mesures, de bonnes propositions, que si on a alors ces institutions fortes, si on a des textes qui permettent à ce que donc, le pays soit stable, c'est là le meilleur remède. Aujourd'hui, alors, si ce sont de bonnes propositions, il faut les amener, les défendre dans un débat. Il faut argumenter. S'il y a un problème, si Mutabazi est en train d'argumenter, pourquoi un président, un premier ministre, moi je lui donne une autre proposition, je lui montre les conséquences, les inconvénients. Autour d'un débat contradictoire, jaillit la lumière. Ça serait une occasion d'approfondir justement ces débats au lieu toujours de nous plonger dans les modifications de la Constitution à chaque fois que peut-être un régime change, qu'un autre individu vient, il dit « moi aussi je vais faire mes propositions ». Songeons justement à motiver les choses, à bien argumenter pour les défendre et cela va nous amener à concevoir, à toujours consacrer un dialogue sincère pour faire avancer les choses. Jean de Dieu Mutabazi, qu'est-ce que vous pensiez être, qui pourrait être fait ou corrigé pour que ceux qui gardent des inquiétudes puissent vraiment se retrouver dans ce processus de modification de la Constitution? Oui, mais pour nous, les membres de l'opposition constructive, non violente, nous avons une vision différente de l'opposition radicale ou violente. Premièrement, pour revenir à ce que le président de Parcé me disait, je lui rappellerai quand il s'est inquiété en disant que le Premier ministre provient du groupe majoritaire au Parlement et que les électeurs peuvent voter différemment les présidentielles et aux législatives. Premièrement, je te rappellerai que, par exemple, le président républicain Trump, il était minoritaire au niveau du Sénat, mais majoritaire au niveau du Congrès. Vous vous souviendrez que même l'Obamacare a souffert, mais les États-Unis continuent d'avancer. Ce sont des petites contradictions qui arrivent en démocratie. Je te rappellerai, mais également, que au moment des élections du président français Macron, ce sont des indépendants aussi qui ont été votés en France. Alors, il a dit, si vous voulez que je puisse mettre en application mon programme, je vous demande aussi de me donner une majorité au Parlement. Donc, c'était une façon de dire, je voudrais être à l'aise pour mettre en application mon programme. Mais il peut aussi arriver, si je vous donne, par exemple... Oui, je peux aussi... Les Français pouvaient ne pas y répondre. Oui, mais ça arrive parce que là... Le Burundi vraiment fait de se donner au luxe d'une cohabitation entre le Premier ministre. Quelle est la similitude avec... je veux... Tout à l'heure, vous m'avez rappelé de ne pas l'interrompre. Alors, je vous dirai aussi, au moment de la cohabitation de feu président Mitterrand et de Chirac, c'était aussi une expérience. Ils ont pu cohabiter. Puis, à un certain moment, les Français, ils ont dit que la cohabitation était vraiment difficile. Mais pour notre cas, par exemple, le chef de l'État actuel, il a déjà cohabité avec des premiers vice-présidents provenant de l'Uprona. Il y avait Busokoza, il y avait Sinunguruza, il y avait Bazombanza et aujourd'hui Sindimo. Mm. Ce n'est pas toutes les fois que qu'il était à l'aise. Mm-hmm. Ce n'est pas toutes les fois. Donc, si vous me comprenez, il y a des situations qui, en démocratie, peuvent arriver, mais ça sert d'expérience. Et enfin... Quand je parle de stabilisation du poste de chef de l'État, je demande que ceux qui m'écoutent, ceux avec qui nous sommes, entendent la stabilisation de l'institution présidentielle. Parce qu'en énumérant le nombre de coups d'État que le Burundi a déjà connus, vous avez constaté qu'il y avait toujours des gens qui voulaient déstabiliser cette institution. Alors, il faut tout mettre en œuvre pour que cela n'arrive plus. Et enfin, ce que je peux dire, tous les échelons du processus de révision de cette concession ont été respectés. Et l'approche est légale et elle est même participative parce que tout le monde y est arrivé. Vous ne m'avez pas cité un seul parti politique qui n'a pas été consulté. Personne ne m'a dit un seul parti politique qui n'a pas consulté. Si vous le connaissez, je peux automatiquement vous dire que ce parti politique... Il a été rencontré à la CNDI, il a été rencontré à Gitega ou bien à Kayanza, ou il a été rencontré à Entebbe ou bien à Arusha. Parce que pendant toutes ces séances de discussion, même si on a posé pas des signatures sur des documents, on sentait que toutes les préoccupations étaient ressorties. Et c'est sûr, c'est là où je dis à mes amis qu'il faut faire confiance aux institutions élues. S'il y a crise de confiance... Je regrette, nous appelons non seulement à toutes les autres parties de se faire confiance mutuellement. C'est pourquoi je... Merci. Le temps nous talonne. Justement, député Pierre Célestin Dikoumane, qu'est-ce que vous envisagez proposer pour que justement ce processus de modification puisse s'achever à la satisfaction de tout le monde? Deux choses très simples, chers journalistes. Mais de prime abord, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit ici que je ne partage pas l'opinion. On a dit que l'accord d'Arusha a été sauvegardé dans plus de 230 combien d'articles, etc., etc. Bon, c'est juste une rectification pour vous dire que je passe au regard là, parce que ce qu'on voit... Par contre, je trouve qu'on cherche à s'en débarrasser. On cherche à s'en débarrasser. Je peux juste donner un petit exemple. Si on dit, bon, toutes les lois seront votées à la majorité simple, mais bien évidemment, à Arusha, on avait fait des balises pour éviter qu'il y ait exclusion, pour éviter qu'il y ait des gens qui confondent le parti et l'État. Et c'est la raison pour laquelle on avait prévu la majorité de blocage. Donc c'est un simple exemple que je libère, que je donne comme ça. Sinon, je vais revenir à votre question. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Deux choses. D'abord, avoir à l'esprit qu'on régifère pour l'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur de la nation. On régifère pour le bien de la société burundaise et non pas pour les intérêts individualistes. Ça, c'est un. Il faut avoir en esprit ça. Alors, si le processus devrait continuer, on doit éviter toute forme d'exclusion et de discrimination et promouvoir, bien évidemment, la stabilité, la cohésion sociale et la démocratie. Parce que la démocratie accepte les différences. On ne va pas dire les élections, tel ou tel, les indépendants, etc., etc. Ils ne vont pas participer. Non, il y a les droits civils et politiques, le Burundi est membre de ça, a ratifié ça, qui garantissent à tout citoyen, comme je l'ai dit, de se faire élire et d'élire. Donc, il n'est pas question de discriminer les gens, de participer à la discrimination, encore moins l'exclusion, telle qu'on le voit à travers, telle qu'on le constate, telle qu'on le remarque à travers certaines dispositions de la dite constitution en cours de révision. Oui. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission Mosaïque. Je dis merci à nos invités qui ont participé dans ce débat. Et je vous rappelle, chères auditrices et auditeurs, que nous parlions du processus de modification de la constitution enclenchée par le gouvernement du Burundi. Au plateau, je remercie le député Pierre-Célestin Ndikumana, élu dans la coalition Amizero ya Barundi. Merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie à tous nos auditeurs aussi de nous avoir écoutés. Merci. Je remercie également Jean-Odieu Moutabazi, président du parti Radebo, pour avoir répondu à cette invitation. Je vous remercie et remercie aussi ceux qui sont en train de nous écouter en les appelant à faire confiance au processus en cours de révision de la Constitution. Merci Faustin Ndikumana pour avoir été bienveillant à participer dans cette émission Mosaïque. Et je rappelle que vous êtes représentant légal de Parole et Action pour le réveil des consciences et des mentalités par SEM. Nous invitons la classe politique à un dialogue franc et sincère pour retrouver la cohésion. Tout va avancer, je vous le dis. Merci Maître Jean-Marie Ndouimana, représentant de la plateforme de la société civile au Burundi, puisque Burundi. Et je vous remercie et j'invite tout le monde de respecter la volonté du peuple et aussi de la loi, de toute loi en vigueur sur le sol au Burundi. Je remercie Séraphine Akizimana du côté de la technique et la réalisation de cette émission était assurée par Charles Makoto et Apollonie Dussabé. Pacifique Chubahiro, j'étais à l'animation. Merci pour avoir été des nôtres dans cette émission Mosaïque. Mosaïque.